m'en rentrais violemment sur putain de son. Si t'es une balance, allez tiens, que ça te serve de leçon. Dans cette vie, j'ai que la religion, une seule passion. Faire du pif, on a baissé les bras, jamais le caleçon. C'est pas au pif qu'on est là, c'est le LA. Dans chacune de nos phases, on a traversé des tempêtes, tenu nos couilles dans le naufrage. On applique les codes de la rue dans cette foutue musique. On préfère mourir debout qu'être à genoux et sans éthique. Clic clic boum, depuis les bouts, après-midi dansante. Les descentes ou les enceintes se retrouvaient souvent en sang. On rappe comme des dealers, et ben peut-être qu'on a dealé. On s'invente pas une vie de gangster seulement pour être adulé. On applique les codes de la rue, on arrache tout sur notre passage. Comme une grosse bagarre entre côtes détenues. Rap de pointure, anti-pointeur. C'est peut-être nos pifs que tu verras au journal de 20h. Être une femme sans excuse n'a jamais été facile. Avec les rousses, on a souvent tchatché l'estomac vide. On ne cherche pas la discussion, oui, je suis hostile. Je préfère manger de la terre, mais je vais pas courir les chines. Tu vois ma tête placardée partout dans ta vie. C'est que par mon flow, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Ce qui compte, c'est plus de péter le score, mais que les gens kiffent. Le hip hop, la soul dans le sang pour la vie. C'est un autre délire, est-ce que tu le sais? Non, tu sais pas. Je suis construite pour durer car j'ai les crocs. Ils sont sérieux sur les ondes, gros. Ça chante pour gars. Ça part en live dans le son qui coalise. Ça bouscule mon écho. J'suis allergique au bouffon. Pour ça que je pose mon veto. Interdit au bouffon. On a la street dans la peau. Car il est escadré gros. Mets plus de son dans ton nom. C'est dangereux, c'est dangereux. Produit du ghetto. C'était nous. Dans des enceintes, c'était gros. C'était nous. C'est dangereux, produit du ghetto. C'était nous. Dans des enceintes, c'était gros. C'était nous, gros, on en veut trop. Comme quoi, même la plus fine des lames se voit. Y'a même des fils de femmes de joie qui viennent et me disent: je suis fan de toi, pourquoi? Je touche tout le monde comme je touche à tout. Depuis tout petit tout me chatouille comme sous la pérille d'une fatou. Pardon. Ma sœur, c'était juste pour le styling. Je veux que ma forme soit aussi dangereuse que ton bully. Sinon on est là, souvent au zoo. On monte les crocs à la popo comme au go. Et ces dernières nous trouveront quand même beau. Tête, une mamelle par nostalgie. Bête, une gazelle parfum. Plus dit parfait, manque plus que des criquets. M'emporte mes parpaings. Voilà un parfum de bon moment. MC stupéfiant, non. Ramène même du vent, on te le vend. Avec réseau, mon frère aux trafiquants. Non moins pratiquant. La vie nous a dit qu'on était vraiment fatigant. Roule dans Panama en bécane. Yveline me serre fort la taille, beau gosse. Tu nous verras entre Potoral et Joe Pop. C'est dangereux, produit du ghetto. C'était nous. Dans des enceintes, c'était gros. C'était nous, gros, on en veut trop. C'est dangereux, produit du ghetto. C'était nous. Dans des enceintes, c'était gros. C'était nous, gros, on en veut trop. Un flow qui frappe comme une masurie, pointue comme une lame. La tête à la monnaie, et la monnaie dans mon crâne. Le cahier près des couilles, comme si c'était une âme. Dans la cité, c'est le vacarme, on chante la symphonie du drame. Un flow qui frappe comme une masurie, pointue comme une lame. La tête à la monnaie, et la monnaie dans mon crâne. Le cahier près des couilles, comme si c'était une âme. Dans la cité, c'est le vacarme, on chante la symphonie du drame.